Elle aurait une robe de velours ponceau, avec une ceinture d'orfèvrerie, et sa large manche doublée d'hermine laisserait voir son bras nu qui toucherait la balustrade d'un escalier montant derrière elle. À sa gauche, une grande colonne irait jusqu'au bout de la toile, rejoignant des architectures, décrivant un arc. On apercevrait en dessous, vaguement, des massifs d'orangers presque noirs, où se découperait un ciel bleu, rayé de nuages blancs. Sur le balustre couvert d'un tapis, il y aurait, dans un plat d'argent, un bouquet de fleurs, un chapelet d'ambre, un poignard et un coffret de vieil ivoire un peu jaune, dégorgeant des seguins d'or. Quelques-uns même, tombés par terre çà et là, formeraient une suite d'éclaboussures brillantes, de manière à conduire l'œil vers la pointe de son pied, car elle serait posée sur l'avant-dernière marche, dans un mouvement naturel et en pleine lumière. Il alla chercher une caisse à tableau, qu'il mit sur l'estrade pour figurer la marche. Puis il disposa comme accessoire, sur un tabouret en guise de balustrade, sa vareuse, un bouclier, une boîte de sardines, un paquet de plumes, un couteau, et quand il eut jeté devant Rosanette une douzaine de gros sous, il lui fit prendre sa pose. Imaginez-vous que ces choses-là sont des richesses, des présents splendides. La tête un peu à droite. Parfait. Et ne bougez plus. Cette attitude majestueuse va bien en votre genre de beauté. Elle avait une robe écossaise avec un gros manchon et se retenait pour ne pas rire. Quant à la coiffure, nous la mêlerons à un tortil de perles. Cela fait toujours bon effet dans les cheveux rouges. La maréchale se récria, disant qu'elle n'avait pas les cheveux rouges. Laissez donc, le rouge des peintres n'est pas celui des bourgeois. Il commença à esquisser la position des masses. Et il était si préoccupé des grands artistes de la Renaissance qu'il en parlait. Pendant une heure, il rêva tout haut à ces existences magnifiques, pleines de génie, de gloire et de somptuosité, avec des entrées triomphales dans les villes et des galas à la lueur des flambeaux, entre des femmes à moitié nues, belles comme des déesses. Vous étiez faite pour vivre dans ce temps-là. Une créature de votre calibre aurait mérité un monseigneur. Rosanette trouvait ses compliments fort gentils. On fixa le jour de la séance prochaine. Frédéric se chargeait d'apporter les accessoires. Comme la chaleur du poêle l'avait étourdi quelque peu, ils s'en retournèrent à pied par la rue du Bac et arrivèrent sur le pont Royal.